coucou à nos amis qui sont en face, les antifas, les antifascistes. Derrière ce mot un petit peu dur, en fait, voilà, il y a, comment dire, on fait ça en la mémoire de quelqu'un qui est décédé il y a quelques années, 3-4 ans, c'est ça, 3-4 ans, et voilà, c'est assez particulier, parce que moi, personnellement, quand j'ai appris son décès, je me suis dit que ça aurait pu être quelqu'un qui était proche de moi ou moi-même. Donc c'est voilà, c'est assez particulier. Donc il y a plein d'animations de l'autre côté. Et nous, on va continuer notre tour de l'éducation populaire là, depuis quelques temps. Aujourd'hui, donc on a en invité donc le réseau d'éducation populaire. Et on va vous proposer, alors c'est un jeu de questions, etc., etc. Donc je vais laisser la parole à notre intervenant. Et qui va vous expliquer tout ça mieux que moi. Mais on est là jusqu'à quelle heure? 18h. Oh bah ça va, la place elle est à nous quoi, en gros. Comme d'habitude. Voilà. Je te tends le micro. Juste mais pas devant en fait, pour éviter. Oui, donc en fait le sujet sur lequel on doit débattre. C'est les enjeux des élections actuelles, voilà. Et donc, pour y travailler, eh bien, chacun pourra proposer soit une idée, soit une question, qu'on mettra bien évidemment sur cette planche. Et puis, dans un deuxième temps, on mettra chaque question et chaque position en débat. Et voilà, on effectuera un débat à partir des questions qui sont posées par chacun d'entre vous. Voilà. Donc c'est ça un petit peu l'idée des... C'est une des formes des conférences populaires que nous faisons habituellement. Voilà. Donc, alors je ne sais pas si on démarre ou si on attend qu'il y ait... Si on est un peu plus de monde, parce que bon, il faut bien évidemment pour cela qu'il y ait un noyau minimal qui puisse intervenir là-dessus. Alors le sujet, bon, c'est les élections. On est en plein dedans. On vient de finir l'élection présidentielle et on est actuellement sur les élections législatives. Et donc. La question qui est posée, c'est quels sont ces enjeux, qu'est-ce qui va changer ou pas avec ces élections? Est-ce que ces élections, ça sert à quelque chose? Et si ça sert à quelque chose, eh bien ça sert à quoi? Et les débats qu'il y a au sein de ces élections, à quoi elles correspondent? Est-ce que toutes les forces sociales sont... je dirais inclus dans cette élection. Voilà, c'est un petit peu tout ça que l'on aimerait travailler, je dirais tous ensemble. Voilà. Alors sur ces élections, bon, bien évidemment, il y a des personnes qui estiment que ils sont représentés dans cette bataille électorale. D'autres estiment qu'ils ne sont pas représentés. Mais même dans ceux qui estiment qu'ils ne sont pas représentés, ils estiment que ça peut changer les choses suivant que ça soit un tel ou un tel qui gagne. Voilà. Et donc, voilà, ça peut nous entraîner à débattre sur les élections elles-mêmes. Ça peut nous entraîner à débattre sur... je dirais les institutions de ces élections, c'est-à-dire est-ce que le mode électoral est juste, est-ce que le mode électoral n'est pas juste, voilà, est-ce qu'il y a une asymétrie entre je dirais les grandes forces sociales et politiques et le citoyen lambda, est-ce que le citoyen lambda a la possibilité, je dirais, de prendre la parole pendant ces élections. Bon, c'est l'ensemble un petit peu de ces idées-là que nous souhaitons débattre avec, avec ceux qui veulent bien venir débattre. Voilà. Alors, je ne sais pas si on démarre, même avec le nombre qu'on est. Même s'il est un peu limité, parce que bien évidemment, pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait un minimum de monde pour qu'il y ait un débat contradictoire. Parce que sinon, bon, c'est plus de l'éducation populaire. Hein. Si je vous fais je dirais mon avis sur les enjeux des élections, bon, je peux parler une heure, deux heures, trois heures, mais disons que c'est plus une conférence, c'est pas de l'éducation populaire. Voilà, c'est... Et là, l'idée, c'était plutôt de faire de l'éducation populaire. Voilà, donc, est-ce que déjà ceux qui sont là, est-ce que il y a des idées qui vous viennent directement sur, à votre avis, c'est quoi l'enjeu principal de ces élections? Quelle idée vous avez là-dessus? Alors vas-y, puis on va noter. Par contre, il me faudrait un feutre. Et je vais à ce moment-là écrire. Voilà. Bien, alors. Alors, une des questions que je voudrais poser, c'est... Mais on va peut-être la reformuler, parce qu'elle est peut-être pas très claire comme ça. En gros, c'est... Est-ce que tout le monde peut accéder à la fonction d'élu? Alors, je sais pas si c'est clair comme ça, c'est-à-dire... oui, enfin, si, c'est peut-être clair comme ça. Est-ce que n'importe qui, plutôt, peut accéder à la fonction d'élu? Donc là, si je comprends bien, on pose plusieurs questions, et après, on débat sur l'enchaînement de ces questions. Quand on a un micro limité aujourd'hui, du coup... Oui, moi j'ai sur les enjeux des élections, j'ai le sentiment qu'à chaque élection il y a un enjeu différent. C'est peut-être une erreur d'interprétation. Là, j'avais l'impression que l'un des enjeux c'était la fin du modèle représentatif. Est-ce que c'est possible d'imaginer un tel enjeu ou est-ce que ce serait un enjeu impossible? Est-ce que tu veux dire que là? Est-ce que tu veux dire que les élections pourraient permettre la fin du modèle représentatif? Même des élections sur un mode représentatif pourraient aboutir à le terminer, en fait. Oui, je pourrais peut-être préciser ma pensée. Voilà, deuxième question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, on va revenir après. Très bien. Ah, parce qu'on m'a tendu le micro, j'ai plein de questions, en fait. Mais je suis en train de réfléchir. Les enjeux, en fait, déjà, j'ai envie de dire, les enjeux, ça dépend de pour qui. Pour moi, il y a un enjeu pour celui qu'un certain nombre de Français ont élu au pouvoir, c'est l'enjeu de la majorité présidentielle ou pas. Pour moi, c'est le principal enjeu de ce qui se passe, même si je me sens pas super concerné. Mais c'est de savoir si le président qui a été élu va avoir une majorité. Du coup, j'ai une autre question qui m'intéresse peut-être plus que celle que j'ai posée d'abord. C'est peut-on se passer du vote pour gouverner? Il faudra définir, bien entendu, ce qu'on entend par gouverner. Est-ce que tu as une question? Qu'est-ce que gouverner, définir qu'est-ce que gouverner? De toute façon, on le verra sur la question. D'accord, je te passe le micro. Bon, bah, si vous voulez, on peut commencer, puis on en trouvera d'autres ultérieurement. On peut commencer par la première. Bon, est-ce que la première question était la suivante? Est-ce que chaque citoyen ou chaque citoyenne peut être candidat ou élu? Est-ce que tout le monde peut le faire? Voilà. Ou est-ce qu'il y en a qui ont plus de droits que les autres? Bon. Je suis pas sûr que la question se pose si. Ah bon, d'accord. Bon. Alors ça, non, c'est parce que d'une façon générale, sur tous les systèmes électoraux, on a mis bien sûr une limite d'âge. C'est-à-dire, on a dit, en dessous d'un certain âge, les enfants ne peuvent pas penser totalement par eux-mêmes. Au-dessus d'un... bon, ça se discute, mais enfin, c'est, les constituants, ils ont voulu effectivement... Ils ont voulu poser cette limite-là. Non, mais je crois que la question, elle est peut-être plus sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan... Alors, qui peut répondre à cette question-là? Vas-y. Alors, justement, ce que j'allais dire, je ne vais pas du tout y répondre. Mais c'est intéressant, moi, je me la posais aussi sur le plan financier. C'est-à-dire... Pour accéder justement au statut de candidat, quels sont les critères? Et à mon avis, ils sont pas forcément sociaux ou ils peuvent l'être, bien sûr, ils peuvent l'être. Mais j'aimerais savoir en fait quels sont justement les critères financiers là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que finalement n'importe quelle personne, en fait, je sais que non, hein, mais ayant des idées intéressantes et souhaitant les développer, les mettre en place, peut accéder à la fonction d'élu? En soi, on devrait tous répondre oui, mais on sait que non. Mais pourquoi non? Voilà, c'était vraiment le fond de la question. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ne peuvent pas y accéder? Déjà, je relirai ça pareil. Je ferai le parallèle avec un représentant du personnel dans une entreprise. Après, ça dépend sur quelle étiquette, entre guillemets, tu souhaites être attaché. Je vais dire ça comme ça. Même sur les partis traditionnels, hein, même chez les insoumis, tu peux pas être élu comme ça. Faut qu'il y ait un vote. Faut coucher avec Mélenchon. Je sais pas. Bon, en ce moment, il est à Marseille, c'est un peu loin. Et si c'est ça, les pauvres, j'espère que c'est pas ça. Mais du coup, voilà, dans chaque parti, on va dire plus. Structuré, ouais, il y a quand même un organe, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une sélection qui se fait. Donc forcément, même si toi tu as envie d'être élu, bah tu le seras pas forcément. Il y avait peut-être quelqu'un qui voulait être élu à Marseille et qui avait tout un tas de bonnes raisons d'être élu de Marseille parce qu'il était du coin, parce qu'il connaissait la ville, etc., etc. Et ben non, c'est Mélenchon qui est passé. Et ça doit être exactement la même chose dans les autres partis et ce qui fait un petit peu le débat avec les fameux parachutés. À un moment donné, que ce soit au Front National, chez les LR, enfin même au PS, on a tous des parachutés d'un peu partout. Après, il y a des petits partis, il y a des petits candidats. Et effectivement, je pense que pour ces personnes-là, après moi j'y connais rien, mais j'imagine que là c'est plus l'aspect financier. C'est soit tu as le moyen de faire cette campagne, de faire des affiches, etc., etc. Et tu peux te présenter sur des étiquettes qui n'en sont pas ou en ton nom. Je sais que ça, il y a un espèce de, comment dire, de vieux relent dans certaines franges de la population sur les gens qui se présentent avec des photos, avec des foulards, etc., etc. Enfin, avec des jeunes femmes donc voilées qui se présentent dans certaines élections, dans certaines villes et dans la fachosphère, j'arrive même pas à le dire, ça. Ça fait beaucoup de bruit, voilà. Après, malheureusement, tu es forcément limité. Soit tu es limité par une espèce de parti et un encartage, soit tu es limité par l'aspect financier. Et tout en sachant que tu peux te faire rembourser, je crois, que uniquement si tu atteins un certain score. Donc c'est pas évident. Donc c'est comme un espèce d'investissement, mais t'es pas sûr d'avoir le retour, quoi. Donc c'est pour ça que finalement, pour moi, c'est très inégal. Et la réponse, ça serait pas vraiment. Tu veux intervenir dessus, non? Non, mais il y a effectivement des limites. Il y a des limites qui sont... parce que, bon, l'exemple que tu donnes, par exemple, Bon, tu demandes aux insoumis s'ils sont d'accord que leur candidat c'est Mélenchon ou pas. Bon, tu connais déjà le résultat. Si tu demandes au Front National s'ils sont d'accord avec Marine Le Pen ou pas, tu connais déjà le résultat. Donc, bon, ça, à la limite, quand tu as une organisation, bon, je veux dire, il est presque normal que l'organisation soit d'accord que soit candidat le leader de l'organisation. Donc, voilà. Mais par contre, il y a des limites qui sont des limites réelles. Alors, ce que disait Adèle, c'est-à-dire la limite financière, elle existe. Tu veux te présenter à la présidentielle, il faut 500 signatures de maire. De maire, de député, de conseiller régional ou de conseiller départemental. 500. Donc déjà, il te faut une organisation importante pour aller chercher ces signatures. Si tu es tout seul, c'est même pas la peine de commencer. Voilà, ça c'est un. C'est donc. Et deuxièmement, il te faut des moyens financiers. Parce que si tu envoies des centaines de gens sur les routes pour aller tirer la sonnette des maires, bon ben, il faut payer les gens ou il faut les indemniser, il faut payer le transport, il faut l'hébergement, il faut qu'ils mangent, il faut. Bon. Donc il y a une logistique et derrière cette logistique, il y a effectivement un coût financier, comme tu disais. Donc ça c'est un point très très important. L'autre limite, c'est que il y a un article de loi qui dit nul n'est censé ignorer la loi, mais pratiquement, y compris dans les médias, on n'explique pas comment il faut faire pour être élu. Tu peux ouvrir le 20h de TF1 ou de France 2, on ne te dit pas, bah tiens, si tu veux être élu, si tu veux être candidat à telle élection, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, comme ça. Bon. Il faut que tu te débrouilles par toi-même. Et donc, pour quelqu'un qui n'est pas lié à une organisation politique, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est, tu as des éléments, je dirais, et en plus, il faut être au courant de ça très longtemps à l'avance. C'est-à-dire, si tu commences à dire, je vais me présenter à l'élection présidentielle 3 mois avant, et si tu es tout seul, le problème est réglé. Donc, tous ceux qui ont des idées ne peuvent pas se présenter s'ils sont pas, je dirais, dans un corps relativement important de militants, s'ils n'ont pas des moyens financiers considérables. Parce que faut, je veux dire, c'est pas avec l'équivalent du seuil de pauvreté. Pourtant, il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui ont des idées tout aussi valables que les autres. Bah, eux, ils ne pourront pas se présenter. Donc il y a des limites financières, il y a des limites institutionnelles et il y a des limites, je dirais, de connaissances. Voilà. Donc moi, je crois qu'il y a, par rapport à cette question, beaucoup d'empêchements, je dirais, à être élu. Et pas seulement à être élu, c'est à être entendu, c'est-à-dire à pouvoir passer à la télévision, à pouvoir passer à la radio, etc., etc. Voilà. Mais par exemple, ça peut être lié aussi à la deuxième question. Sur la deuxième question, est-ce la fin du modèle représentatif? Alors ça, c'est une question très intéressante. Très intéressante parce que au moment de la Révolution française, il y a eu toute une série de propositions sur comment organiser la démocratie. À partir du moment où on supprimait, le monarque absolu Louis XVI, le mode de production féodal, il y a eu toute une série de propositions. Alors, il y a eu la proposition, en fait, du gouvernement représentatif. C'était Sieyès qui l'avait proposé. Et par exemple, il y avait Condorcet qui lui disait qu'il était contre le gouvernement représentatif parce que le gouvernement représentatif, c'est en fait, tu te présentes, tu es élu, et une fois que tu es élu, tu fais ce que tu veux, y compris le contraire de ce que tu as dit pour être élu. Voilà. Et ce système, c'est le système qu'on a là. Voilà. Les gens voient bien que Hollande, il devait, par exemple, renégocier le traité budgétaire, il ne l'a pas fait. Il y a toute une série d'exemples qui montrent que les gens disent ce qu'il faut pour être élus, mais quand ils sont élus, ils font le contraire. Ou ils sont influencés par des lobbies. Et ça, à mon avis, le problème. Alors, par rapport à ça, il y en avait d'autres qui proposaient la démocratie directe. Des Rousseau, par exemple, proposaient la démocratie directe. Avec une difficulté, c'est la démocratie directe, si on est tous là, c'est très facile. Lorsqu'on est 65 millions de personnes, c'est un peu plus difficile. Hein? Voilà. Et il y avait, par rapport au modèle représentatif que proposait Sieyès, Condorcet proposait quatre conditions. Première condition, toutes les idées doivent être débattues lors d'une élection. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxième idée, on doit débattre de toutes les positions. Pas simplement des positions des grandes organisations. Il y a bien sûr le suffrage universel. Et il y avait une quatrième condition qui était, il faut que le citoyen puisse intervenir à tout moment, je dirais, dans le processus électoral. Soit par un processus révocatoire, c'est-à-dire que les citoyens qui ont élu, ils doivent pouvoir éliminer un candidat s'il ne répond pas à ce qu'il veut, et puis des référendums d'initiative populaire qui permettent des citoyens de poser une question pourtant qui n'est pas mise à l'ordre du jour, par exemple à l'Assemblée nationale. Donc il y a toute une série de dispositifs qui... toute une série de dispositifs qui peuvent, je dirais, faire mieux que le modèle représentatif. Alors peut-être que toi, tu as peut-être une autre idée quand tu as posé la question. Oui, bien sûr. Une fois qu'on on voit des candidats quasi inconnus, élus par dépit face à des candidats très bien connus, parce que Marine Le Pen, c'est quand même un candidat très bien connu, on voit très bien que on est dans une espèce de modèle absurde. Donc, l'une des questions que je pose, c'est qu'est-ce qui maintient une absurdité en vie, quoi ? Comment une absurdité peut-elle se maintenir ? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut répondre ? Moi, je veux bien répondre à ça, hein, mais s'il y a quelqu'un qui veut répondre, il lève la main et voilà. Allô ? Excuse-moi. Est-ce que tu as réglé le problème de Ribichat sur ce site contre moi, le Boc Jacques Chirac ? Ribichat, ce social. Le social, ce social. Le social, Ribichat. C'est social. Il y a quoi là ? Tu parles de la sécurité sociale ? Voilà. Oui. Ribichat, 23 Ribichat. Oui, alors, qu'est-ce avant, qu'il y a ? Avant 25 Ribichat, 47 Ribichat. Comme l'échanger là-bas à Ribichat, jamais donné un coup de main avec moi, et jamais respecté la loi de moi, et jamais, comme je m'habite l'11e, son social te donné un coup de main, la maison me contrat, la maison maintenant, respecté la loi de quelque chose. Comme j'ai changé Paris 10e, il n'y a pas chance avec le Paris 10e. Tu as compris ? Voilà. J'avoue que je n'ai pas bien compris. Voilà. Je suis malade. Je suis handicapé. Voilà. Respectez pas la loi de maintenant. De quelle loi tu parles ? Parle de la loi de la loi de moi de handicapé, moi il refusait le chalem de moi, il n'a pas donné le chalem. Des fois il refusait le chalem. Voilà. Il refusait tous les jours. Les les HLM, c'est pas la sécurité sociale. Normalement, c'est social, tu donnes un coup de main. Lettre avec moi, tu écris la lettre, mais je dois respecter la loi avec le côté lettre, mais je donne l'HLM. Tu as compris? Voilà, monsieur. Voilà, monsieur, moi, je suis responsable de la famille au bled, mais il n'y a pas une autre personne. Les patrons, j'étais pizzapine en République, j'étais 2013, je suis tombé malade. Le cœur, un choc de cause de lui. J'ai rangé avec l'avocat en 2013, avec Samona, j'étais prendre elle les freins. Et moi, c'est l'avocat parlait arabe, il laisse Samona ranger avec toi, gentil, voilà. Et moi, c'est gentil, voilà. Ben, je range pas avec Dimitrias, ben, t'es parti, elle, t'es parti, les frères, t'es direct, mais voilà. Maintenant, 2014, j'étais au travail, regarde, de cause d'elle, incapé, voilà, merde avec moi. Moi, monsieur, c'est en règle, les papiers en règle des hommes, mais les boucs Jacques Chirac, hein, voilà, ici, voilà, t'es en règle. Mais c'est pas grâce à la Bukawat et les papiers, c'est pas gratuit, hein. Monsieur, régler le problème de social. C'est quoi ta question? Le problème est régler le problème social. Mais nous, on peut faire quoi pour toi? Ta question, c'est quoi? Parce que nous, on fait un débat là. Tu vois, en fait, lui, il a posé une question. C'est une là, on est en train de poser la question justement si ceux qui nous représentent font bien ce qu'ils doivent faire. Donc bon, ça peut rentrer là-dedans, mais là, on va pas pouvoir régler les problèmes. En fait, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et là, on est sur la question justement des élections, de ceux qui sont élus, est-ce que tout le monde peut accéder aux élections? Et là, c'est la question, c'était, est-ce la fin du modèle représentatif? C'est-à-dire, de quelle façon est-ce qu'on pourrait se passer du vote représentatif? Oui, alors, donc là, est-ce que ta question, c'est... Tu refuses le modèle représentatif et tu souhaites en fait un autre modèle pour assurer les débats. C'est ça que tu souhaites? Bon, mais tu souhaites quoi comme modèle? C'est-à-dire le modèle par exemple de la démocratie directe ou alors les modèles d'intervention populaire comme le référendum révocatoire, comme le référendum d'initiative populaire, etc. Alors moi, à titre personnel, je milite pour la suppression de fonctions de maire au profit d'assemblées municipales. J'estime que ce pourrait être un modèle d'avenir. L'assemblée municipale, elle existe déjà. C'est le conseil municipal. Cette assemblée n'est pas décisionnaire dans le sens où le maire a toujours un droit de veto. Non, il n'a pas un droit de veto, mais forcément il a des prérogatives très importantes. Alors donc le débat, moi je crois, c'est pas tellement le débat de dire qu'il faut supprimer le maire ou pas. Je pense que le débat, c'est savoir quel pouvoir on donne au maire et quel pouvoir on donne au conseil municipal. À titre personnel, je milite pour la suppression de la fonction de maire. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que des maires adjoints. Non ? Je ne sais pas si je comprends bien ce que tu dis, mais du coup, ce serait à chaque fois les décisions seraient prises par en conseil, et donc il n'y aurait pas un représentant qui serait élu. Et est-ce que ça veut dire dans ce que tu proposes que le conseil, par contre, serait, enfin les personnes qui participent au conseil seraient des personnes élues ou tirées au sort, ou parce qu'il y a ça aussi dans la question du coup. Ou est-ce que, comment ça fonctionnerait ces personnes qui participent au conseil? Ou alors ce serait tout le monde? Je ne sais pas. De préférant les habitants de la commune, faut poser la question des sans-logis aussi, bien sûr. Et puis permettre ainsi que les discussions soient tenues par tous les acteurs d'une commune ou éventuellement d'une circonscription dans des cas particuliers et que le maire n'ait pas une espèce de Vous savez, Anne Hidalgo, vous voyez qui c'est? Bon, elle n'a pas de couronne, mais bon. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, dans une structure, par exemple municipale, il y a une fonction législative qui prend les décisions et une fonction exécutive. Et la fonction exécutive d'une commune, c'est le maire. Donc si tu dis, on supprime le maire, la question devient, qui exécute les décisions du conseil municipal? C'est-à-dire que quand tu as un conseil municipal, par exemple, de 50 ou de 100 personnes, tu prends une décision, qui exécute cette décision? Tu es obligé, d'une certaine façon... On n'est pas obligé d'avoir un maire. Je suis désolé, on peut ne pas avoir à élire un maire. C'est... enfin, c'est mon opinion, hein. Non, mais j'ai compris que c'était ton opinion. Et je la respecte. Je te dis simplement, le maire, il a une fonction exécutive qui, dans ton système, aura une fonction exécutive, c'est-à-dire pour exécuter les décisions que le conseil prend. Oui, j'entends ce que tu dis, mais je me dis aussi, si le conseil choisit justement quelque chose, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le mettre en place derrière? Je comprends pas. Je sais bien qu'il y a des fonctions distinctes, mais pourquoi est-ce que ce conseil ne peut pas appliquer, exécuter ce qu'il a choisi de mettre en place? Bah, prenons un exemple. Nous prenons une décision, par exemple, de mettre du bitume sur une route. Bon, il faut qu'il y ait, une fois qu'on a pris la décision qu'on va mettre du bitume sur une route, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit habilité pour aller voir les services techniques et pour, je dirais, mettre en exécution la décision qui a été prise. Parce qu'il ne suffit pas de dire on va mettre du bitume sur telle route pour que le bitume arrive tout seul par génération spontanée. Donc la question, elle est, il faut toujours quelqu'un ou un groupe de personnes, mais il faut toujours quelqu'un pour exécuter les décisions. Si par exemple tu as, supposons par exemple une assemblée nationale, il y a 577 personnes, il y a une décision par exemple, je dis n'importe quoi, de peindre en bleu ce monument. Bon, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'assemblée qui aille voir les services techniques pour mettre en place cela. Donc ça ne peut pas être toute l'assemblée qui en fait fait toutes les décisions. Parce qu'une décision, ça se prend en peu de temps. L'exécution peut prendre des heures, des années, etc. Et puis, quand on fait travailler beaucoup de personnes, il y a besoin de quelqu'un qui transmette la décision. Tous les salariés qui travaillent sur la route ne sont pas présents quand la décision est prise. Donc il faut... Quand le camarade dit on peut supprimer... Non. Non, mais c'est pas... On peut supprimer le poste de maire. On peut... Il y a des endroits où on n'appelle pas maire, on dit bourgmestre ou on dit autre chose. Bon, la question, c'est est-ce que tu estimes qu'il faut supprimer toutes les fonctions exécutives? C'est-à-dire qu'il n'y a que des assemblées qui prennent des décisions et il n'y a personne de l'assemblée qui est chargé, je dirais, d'exécuter la décision. Alors, une assemblée est en capacité de désigner un référent sur une activité, tandis que le maire, lui, est chargé de tout l'exécutif. Un homme ou une femme à qui on doit se référer pour toute décision. Bonjour. Bonjour à tous. Alors déjà, le maire, il n'est pas chargé de prendre toutes les décisions parce qu'il est obligé lui-même de se référer à des supérieurs, préfets, de département, jusqu'au président. Donc, il ne prend pas toutes les décisions. Après, moi, c'est juste pour le mariage. Comment tu fais ? C'est le collectif encore qui vient tous ensemble, qui... Toi, pour les choses simples comme ça. Et les gens, quand ils élu un maire, ils savent qu'ils ont élu, quoi. Et ils lui font confiance pour exécuter les décisions du conseil. Moi, je vois pas où est ton problème avec un maire. Tu vois ? Et rien que pour le truc simple du mariage, tu fais comment ? Voilà. Donc, par exemple, si tu dis, par exemple, il faut un référent. Par exemple, je suppose que quand tu dis ça, tu dis il faut, par exemple, un référent pour les travaux d'une commune. Bon. Donc, en fait, ce que tu appelles le référent, il existe, il s'appelle le maire adjoint aux travaux. Ou le maire adjoint à autre chose, à la culture, ou etc. Bon. Donc, ça veut dire quand même... Alors, la question est, c'est qu'en fait, donc, si tu veux un référent, ça veut dire que c'est un référent à une fonction exécutive, sauf que tu ne souhaites pas qu'il y ait une seule personne... Voilà, bon, ça c'est un choix, mais disons, derrière cette question-là, c'est savoir qui a le pouvoir exécutif. Au niveau français, le pouvoir exécutif, c'est seulement le maire. Mais il peut déléguer à des personnes. Bon, tu prends Anne Hidalgo, elle délègue, elle a plusieurs dizaines de maires adjoints. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Donc la question est, ah ça c'est autre chose ça, c'est encore autre chose. La question aussi, comment tu sors du copinage, c'est aussi la question, comment tu fais pour désigner des gens. Voilà, tu vois, c'est ça. T'es obligé, d'ailleurs, ce que disait notre camarade qui est derrière toi, il te dit, bon voilà, sur quelque chose de simple, il y a des mariages à faire, qui les fait ? Bon, dans la loi française, c'est le maire ou un autre élu qui le désigne. Bon, si c'est pas lui qui le désigne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le désigne. Alors c'est qui ? Oui. Alors ça veut dire... Non mais la question... Je me permets d'expliquer. On voit en le maire cette espèce de figure de patriarcale, où ça peut être une femme, hein, bien sûr, ça arrive, hein, voilà. Qui irait être la référence, à qui on va donner toutes les responsabilités s'il y a un problème dans la commune. Or, si l'Assemblée se responsabilisait de ses choix d'adjoints, d'élus, ou pour les activités, ou pour les mariages, c'est l'Assemblée qui désigne, plutôt que ce soit une personne qui gère les mariages, la politique de la ville, le lien avec les entreprises privées, etc., etc., etc., etc. Une seule personne ? Alors, ça veut donc dire, si je comprends bien ton système, ça veut dire que dans une assemblée, tu vas d'abord décider ce qu'il faut faire. Et après, tu dois passer du temps pour savoir qui va l'exécuter. Donc là, je conteste ta position sur l'idée suivante, c'est le principe de réalité. C'est-à-dire, quand tu as un conseil municipal, aujourd'hui, c'est un conseil municipal qui dure de 3 à 5 heures. Si, en plus de prendre les décisions, c'est le conseil municipal qui doit à chaque fois désigner qui va avoir la responsabilité de l'exécution de la décision. Là, c'est pas 3-4 heures qu'il faut pour le conseil, c'est 7, 8, 9 heures. C'est donc un temps très long. Tu as assisté déjà à un conseil municipal. Tu as 50 points à l'ordre du jour. Ah non, mais bon, voilà. Tu as énormément de points à l'ordre du jour. Donc, s'il faut, par exemple, si tu as 50 points à l'ordre du jour et il te faut 5 minutes pour chaque, ça fait 5 fois 50, 250 minutes. Tu en as déjà pour 2 heures et demie. Alors, je m'explique. Juste, je répète aux gens qui sont là, parce que ce ne soit pas un débat juste entre deux personnes. Bien sûr, chacun peut réagir, mais n'hésitez pas à vous lever la main. On vous passe la parole dans l'ordre où vous levez la main, parce qu'il y a aussi Ed qui voulait prendre la parole. Donc, vas-y, puis après, je passe le micro à Alan. Alors, en plus du souci du temps perdu, en plus du souci du temps perdu qui a été soulevé, là, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte. Dans certaines communes, c'est pas comme Paris ou un arrondissement de Paris où il y a plein de gens et plein de talents et plein de gens qui sont capables de faire des choses. Imagine dans une commune où leur comité est assez restreint par rapport au nombre de population, il y a 5, 6, 7, 10 personnes. Ça va être forcément pratiquement toujours la même qui est élue, qui a la capacité de gérer les trucs administratifs. C'est quoi la différence avec un maire dans une petite commune qui lui est toujours responsable? Parce que s'il y a un comité où c'est toujours à peu près les mêmes personnes, ça va être la même personne qui va être désignée parce que c'est lui qui sait faire. Et là, ça va plus tourner en élection tous les je sais pas combien de temps. Ce sera toujours lui à vie. En fait, moi j'aimerais poser une question sur la démocratie en fait. On voit que c'est un système qui ne fonctionne plus. Il y a des inconvénients, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas un système qui est beaucoup plus efficace que ces systèmes-là, en fait? La démocratie, parce que j'en vois qu'à chaque fois que le peuple choisit ses dirigeants pour qu'il puisse quand même exécuter ce que les peuples veulent, en fait, et que ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que dans... Mais quel est ton point de vue? Comment tu réponds à ta question? Non, mais moi, je pense que il faut qu'on passe à autre chose. Parce que ce système-là, il y a des inconvénients. Il faut qu'on trouve une autre solution. Je te pose la question suivante. C'est-à-dire, ce système-là, il y a des inconvénients, c'est évident. C'est imparfait. On est d'accord. La question est-ce qu'il faut parfaire ce système, c'est-à-dire l'améliorer? Ou est-ce qu'il y a un autre système que le système de la démocratie? Non, mais moi, je pense qu'il existe un autre système. Dans un autre système, je pense que le référendum doit être la base de ce système-là. D'accord. Alors, tu as raison, le référendum. Mais la question, c'est est-ce que tu peux organiser des référendums sur tous les sujets. Tu sais, quand tu organises un référendum, il y en a eu quelques-uns en France dans ce siècle, c'est des procédures très lourdes. Et donc, si à chaque fois qu'il faut prendre une décision, il faut faire un référendum, bon, on est en dehors de la réalité, quoi. Donc la question est... Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en effet, les référendums, ça permet déjà d'avoir l'avis de plus de personnes. Et surtout, maintenant, on a quand même le numérique qui permet de faciliter l'utilisation des référendums. Mais on pourrait en effet poser une limite, c'est-à-dire que le référendum ne serve pas à toutes les prises de décision, mais à partir du moment, je sais pas, où ça concerne, par exemple, l'échelle nationale. Alors que les référendums d'échelle nationale... que les décisions d'échelle nationale soient systématiquement soumises à référendum. Et par contre, au niveau local, il pourrait y avoir le choix des personnes ça pourrait fonctionner sous forme d'alerte mail. N'importe qui reçoit une alerte mail comme quoi il y a une décision nationale qui va être prise et il peut y répondre en allant sur ce site ou autre. Et il faudrait aussi bien sûr qu'il y ait une version papier, enfin un accès aussi pour tous ceux qui n'ont pas internet. Et de façon locale, donc départementale ou régionale, ou même au niveau des villes, ça pourrait être cette fois au choix des personnes. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez participer aux décisions Et donc, en fait, toutes les décisions pourraient être prises sous forme de référendum. Et je pense qu'avec le numérique, du coup, c'est jouable. Ensuite, là où il y a une éducation importante à faire, c'est quelle est la forme des référendums. Parce que ce qu'on a beaucoup critiqué jusqu'à maintenant pour les référendums, c'est la façon dont la question est posée détermine en grande partie la réponse. Et la façon dont les médias traitent la question posée. Donc, si on fonctionne sur base de référendum, il faudrait qu'il y ait vraiment une éducation populaire ou pas populaire d'ailleurs, mais qu'il y ait vraiment une formation en tout cas à la façon de répondre aux questions et que le débat au niveau médiatique soit toujours contradictoire. Parce que sinon, les réponses obtiendront ce qui est divulgué par les médias. Le numérique, enfin le référendum par voie informatique pose aussi les questions du contrôle et de l'anonymat des bulletins de vote. Parce que, comme avec le système par bulletin de vote glissé dans une urne, je sais ce que j'ai voté parce que je sais ce qui s'est passé exactement entre l'isoloir et l'urne. Et je sais que c'est anonyme parce que je ne laisse aucune trace. Je contrôle exactement ce que je fais et je sais que je suis absolument libre de le faire. Si je vote par Internet, il y aura une trace de mon vote. Et la seule manière dont je puisse m'assurer que mon vote a bien été pris en compte, c'est que cette trace ne soit pas détruite. Parce que sinon, il y aurait des bidouillages, il y aurait sûrement des bidouillages cryptographiques à faire pour créer un système de vote qui permette l'anonymat. Mais dans ce cas-là, il faut lâcher sur un des deux, quoi. Le contrôle de ce que je vote et l'anonymat. Faudrait voir s'il n'y a pas des protocoles cryptographiques qui permettent de respecter les deux, mais ça m'étonnerait, ça me paraît assez contradictoire. Voilà, c'est tout. Et sinon, sur les référendums à choix multiples, il faudrait aussi parler, si on parle d'informatisation des systèmes de vote, il faudrait aussi parler des méthodes de vote. Parce que là, pour le coup, on aurait. Tout un paquet de méthodes de vote plus résistantes au vote stratégique disons que les systèmes de vote qu'on utilise dans le système bulletin urne sont tous assez mauvais parce qu'ils reposent tous sur une extrême simplification des choix. Parce que simplement pour des problèmes de logistique, quoi. Le système d'élection présidentielle à deux tours, c'est un peu de la merde. C'est peut-être pas autant de la merde que le système américain, mais c'est quand même énormément de biais. Ça ouvre la porte au vote stratégique, etc. Si on se met à faire du vote numérique, ça ouvre la porte à tout un paquet de méthodes beaucoup plus coûteuses algorithmiquement, mais qui permettent une représentation plus fine de la structure de l'opinion au niveau de la société. Voilà. Oui. Moi je suis plutôt sur la position de l'amélioration de la démocratie par implication citoyenne. Mais si je reviens sur ce qui a été dit, aujourd'hui, on dit la démocratie qui est avec les élus, d'ailleurs on le voit, il y a de moins en moins de gens qui votent, hein, c'est une réalité. Par contre, c'est le problème du contrôle. C'est-à-dire, si on fait un vote par électronique, aujourd'hui, techniquement, il n'y a aucune sécurité du contrôle possible sur un vote électronique. C'est-à-dire que lorsque le problème, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui contrôle la plateforme électronique. Et celui qui contrôle la plateforme électronique, il peut modifier les votes des gens. Et donc, quand vous avez des votes dans des bureaux de vote, vous avez des assesseurs. Pourquoi il y a des assesseurs ? Parce que si vous laissez le maire tout seul et que les gens vont voter, les gens ils vont voter. Mais quand on va compter les bulletins de vote, c'est pas forcément les bulletins de vote qui ont été dans l'urne, c'est peut-être les bulletins de vote qui sont dans une autre urne qui a été réalisée avant. Et le problème sur le plan électronique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire aujourd'hui, y compris des structures très importantes comme les services secrets, eh bien, ils sont capables d'être hackés. Et donc, il y a le problème de la sécurité du contrôle. Ça, c'est une première critique par rapport au fait de dire on va tout faire sur le plan électronique. Deuxièmement, l'expérience montre qu'il y a moins de gens, il y a plus de gens qui ne se servent pas d'Internet que de gens qui ne votent pas. Oui, ça veut dire que souvent cette proposition, elle est faite par des citoyens qui, eux, savent se servir d'Internet, des réseaux sociaux, etc., etc. En réalité, quand vous regardez, vous faites une analyse des utilisations, en réalité, il y a une partie très importante de la population qui aujourd'hui ne se sert pas des méthodes électroniques, ne savent pas s'en servir, ont donc besoin de formation, d'éducation pour pouvoir s'en servir. Et donc se pose là un deuxième élément de problème. Voilà. Ensuite, il y a un problème qui touche aussi bien la démocratie élective par Internet ou par le vote réel, c'est le problème du débat. Comment effectuer le débat? C'est pas si simple que ça. Parce que pour que les gens puissent voter, si on décidait par exemple nous de voter sur quelque chose, ça prendrait du temps. Déjà là, chacun d'entre nous parle, enfin ceux qui veulent parler parlent, mais il faudrait pouvoir que chacun puisse donner son opinion complète. Ça prend beaucoup de temps. Et il y a des gens qui veulent passer moins de temps que d'autres à ce genre de débat. J'ai posé une question peut-être plus pragmatique. Aujourd'hui, le système représentatif ne fonctionne plus. Incapacité à faire une loi sans que ce soit le bazar. Incapacité à mener un débat sans que ce soit le bazar. Incapacité à prendre une décision sans que ce soit le bazar. Donc la question que je pose, c'est si un modèle ne fonctionne pas, est-ce qu'on reste dedans ? Bah, de toute façon, on reste dedans tant qu'un autre n'est pas proposé. Et là, déjà, on voit que même si on a très envie de changer de modèle, bon, le référendum, on a compris que c'était pas forcément réalisable. Après, je voulais revenir du coup sur la question des conseils citoyens par rapport aux maires, etc. Mais il y a toujours la question, voilà, du temps que ça prend, quoi. Du temps que ça prend pour les décisions, pour les appliquer. Mais aussi, par exemple, on pourrait imaginer que voilà, il y a quelqu'un qui soit élu pour les mariages, quelqu'un qui soit élu pour ce qui est l'aspect éducation, en fait, des mini-ministères dans chaque mairie, et que chacun soit élu pour une fonction. Et ça existe. Mais du coup, en effet, pourquoi est-ce qu'il y a besoin qu'une personne centralise ça? Est-ce que, d'ailleurs, parce que du coup, ça existe, mais c'est le... Moi, j'y connais pas grand-chose. C'est le maire ou la maire qui décide de qui va dans chaque chose, j'imagine. Alors en fait, ça dépend des institutions, ça dépend du pays dans lequel on est. Si on parle en France, alors au niveau municipal, c'est vrai qu'en France, on a plutôt un système de monarchie élective. Hein, c'est-à-dire que on élit un président de la République qui a énormément de pouvoir. Et en fait, c'est lui qui désigne le gouvernement. On élit un maire qui a énormément de pouvoir. Et c'est lui qui décide à qui il donne une délégation sur l'éducation, sur la culture, sur les mariages, etc., etc. Alors, la question est la suivante. C'est que si, par exemple, on est en Italie, je prends cet exemple-là. Ben, en Italie, le pouvoir exécutif, c'est pas le maire qui l'a. C'est le bureau municipal. Tandis que en France, c'est le maire. Donc, la question importante devient, en tout cas de mon point de vue, c'est la fonction exécutive, c'est qui ? En France, c'est le maire tout seul. En Italie, c'est le bureau municipal, c'est-à-dire le maire et tous ses maires adjoints. Alors c'est sûr que c'est déjà beaucoup plus collectif. C'est que le maire tout seul ne peut pas... Parce que par exemple, en France, dans une mairie, le maire, il est obligé d'avoir, de faire en sorte que le conseil municipal vote son budget. Mais une fois que le budget est voté, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. En fait, une sorte de monarchie élective sur une seule personne. Mais le débat, il n'est pas uniquement entre avoir un maire ou ne pas en avoir. Le débat est entre avoir un maire qui a tous les pouvoirs ou beaucoup de pouvoirs versus un maire qui est là pour organiser mais qui a peu de pouvoir. Donc la question, c'est pas simplement, en tout cas tel que je vois, s'il faut une fonction ou pas une fonction. Le problème, c'est de savoir quels sont les pouvoirs des gens qu'on élit. Si on élit des gens qui ont peu de pouvoir, c'est pas pareil que si on élit des gens qui ont un pouvoir exorbitant. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, on fait partie de pays. D'ailleurs, certains disent que c'est une monarchie élective, où une fois qu'est élu le président de la République, une fois qu'est élu le président du conseil régional, le maire ou le président de la communauté de communes, c'est cette personne-là qui a un pouvoir que moi je trouve excessif. Voilà. Tu vois, c'est... Donc la question, c'est une fois qu'on élit des gens, c'est quel pouvoir on leur donne. Parce que élire des gens avec peu de pouvoir, c'est quand même différent que d'élire des gens avec beaucoup de pouvoir. Voilà. Et en réalité, il y a un débat extrêmement long et difficile, parce que en fait, il faut choisir pas entre deux positions, mais entre 7, 8, 15, 20 positions. C'est ça qu'il faut sur le plan de la Constitution. D'ailleurs, il y a des candidats qui se sont présentés à la présidentielle il y a quelques semaines et qui proposaient de démarrer par une constituante. C'est-à-dire qu'on définit d'abord comment on effectue les élections et quel pouvoir on donne à chacun. Voilà. En fait, c'est qui donne les pouvoirs, en fait ? C'est ça la question. Alors, les pouvoirs, alors ça dépend dans quel régime. Hein. Dans un régime dictatorial, c'est le dictateur. Le dictateur, il prend le pouvoir par la force et il dit c'est moi qui décide de tout. Voilà. Quand on est dans un régime, quand on est dans un régime entre guillemets démocratique, ce qui donne les pouvoirs des différentes instances, c'est la constitution du pays. C'est-à-dire qu'on a une constitution. C'est-à-dire qu'on a un texte qui dit, ben voilà, le président de la République, il est élu de telle façon, il a tel pouvoir, le maire, il est élu de telle façon, il a tel pouvoir, le président du conseil régional, il est élu de telle façon et il a tel pouvoir. Et ce texte-là, c'est ce qu'on appelle la Constitution. Voilà. D'où l'importance, bien sûr, d'avoir un débat sur la Constitution. En fait, le débat derrière la discussion qu'on a là-dessus, à partir de la question « Est-ce la fin du mode représentatif ?» Eh bien, ça implique un débat sur la Constitution. C'est-à-dire un débat dans ce qu'on appelle une constituante. Dans l'histoire de France, il y a eu... à plusieurs périodes des débats sur la Constitution. Par exemple, il y a eu un débat sur la Constituante au début de la Révolution française. Il y a eu un débat sur la Constituante après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une première en 1945. Non, début 46, début 1946, il y a un débat sur une constitution qui a été repoussée par le peuple français. Donc il y a eu un deuxième débat sur une deuxième constitution qui a été acceptée. Voilà. Et puis quand De Gaulle est arrivé, eh bien il y a eu une nouvelle constitution qui a été la constitution de 1958, mais qui a subi plusieurs dizaines de modifications. Voilà. Et la question aujourd'hui, en fait, qui se pose, c'est que on est dans un pays où il n'y a pas eu de débat sur la Constitution depuis 1958. Alors, comme la plupart d'entre vous, moi j'étais déjà né, j'étais tout petit, mais j'étais né. Mais la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Alors, il y a une chose que je trouve, moi, c'est qu'il est quasiment inadmissible qu'on puisse vivre dans un pays dont on n'a pas, dans lequel on n'a pas participé à la Constitution. C'est-à-dire que toi, par exemple, eh bien, t'arrives, tu nais sur cette terre, tu arrives, tu viens débattre, etc. Et on t'impose une Constitution qui a été faite par la génération de tes parents en 1958. Mais toi, on ne te pose pas la question, est-ce que tu es d'accord sur cette Constitution ? Voilà. C'est ça, là. Moi, ce que je préconise, c'est le scandale que l'on ne débat pas sur la Constitution qui donne tous les pouvoirs et comment on élit les gens qui ont du pouvoir. Et là, ce débat, si on était dans un débat constituant, eh bien, on n'aurait pas cette idée-là, parce que certains pourraient dire, bah, moi je propose la démocratie directe, d'autres pourront dire, je propose le tirage au sort, les troisièmes proposeraient le mode représentatif que tu n'aimes pas. Hein. Moi je viendrais en disant, je veux la démocratie intégrale avec toutes les conditions qui permettent aux citoyens d'intervenir, y compris contre leurs élus. Voilà. Et c'est ce débat-là que nous n'arrivons pas à avoir. Voilà. Malgré le fait qu'il y a des candidats, bon, par exemple la France Insoumise et Mélenchon, a proposé de démarrer, s'il était élu, par une constituante. Voilà. Effectivement, c'est un débat qui passionne. C'est quelque chose qui est très long, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Bah, ça en vaut la peine parce que c'est ce qui définit la vie en commun. C'est quelles sont les règles de notre vie en commun. C'est une constitution. Et si on ne discute pas de la constitution, et on n'y discute que des lois, ben, on discute que d'une parcelle des choses et pas de l'ensemble. Et donc le résultat, c'est que nous tous qui sommes là, ben, on est tous mécontents du système. T'es mécontent. On n'a pas les mêmes idées, mais on est mécontent du système tel qu'il existe. Bon. On passe au... On pourrait imaginer un changement de constitution, allez, mettons, tous les 50 ans pour pas faire trop souvent. Mais voilà, je pense que aussi, c'est quelque part, il y a beaucoup de gens qui auraient cet idéal de changer de constitution autant de fois qu'il y a des gros changements intergénérationnel, Mais voilà, je pense que finalement, faute de mieux, on est obligé de prendre la constitution de nos ancêtres. Et en ce qui concerne nous, on n'a pas fini de bouffer du capitalisme parce que la Troisième République a quand même duré beaucoup plus longtemps que la Cinquième, donc voilà, je pense qu'il y aura d'autres choses. Moi, je partage entièrement ce que tu as dit. Bon, moi, je suis très content d'avoir cette proposition. Quand on dit, par exemple, on fait une élection de la mairie tous les 6 ans, on fait une élection législative et présidentielle tous les 5 ans, moi, je ne vois pas pourquoi on ne dit pas tous les 30 ans, voilà, tu vois, je restreins un peu ton... Tous les 30 ans, il y a une obligation d'un débat constitutionnel. Voilà. Moi, je suis assez d'accord sur ça, parce que c'est quand même incroyable que ça soit... parce que même moi, qui étais né en 58, mais j'étais tout petit, donc moi, qui suis le plus âgé d'entre nous, là, eh bien, je n'ai pas discuté de la Constitution de 58, parce que j'étais un bébé, j'étais petit, voilà. Donc ça veut dire que ceux qui ont discuté de la Constitution de 1958, c'est-à-dire ceux qui avaient au moins 21 ans à ce moment-là, puisque le droit de vote était à 21 ans, il fallait qu'ils soient nés, je dirais, dans les années 30. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont participé à la discussion de la Constitution de 58... c'est ceux qui aujourd'hui ont 80 ans et plus. C'est quand même pas normal, voilà. Donc moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Oui, moi aussi, parce qu'en plus, le fait de ne pas l'imposer, par exemple, tous les 30 ans, ça conduit à ce qu'on a vu là aux élections actuelles, c'est-à-dire que ça dépend d'une volonté politique de faire une nouvelle constituante ou en tout cas de la remettre en cause. Et la deuxième chose, c'est à partir du moment où ça dépend d'une volonté politique, ça veut dire que celui qui se présente aux élections en disant « je veux remettre en cause la Constitution » a déjà une orientation. Donc les gens ne vont pas l'élire forcément pour faire une nouvelle Constitution, même si les trois quarts voudraient en faire une nouvelle, mais ils vont l'élire en disant « la façon dont ils pensent la Constitution et la façon dont je la pense ». Donc encore une fois, c'est aussi biaisé. Alors que peut-être que finalement, à partir du moment où il y aurait imposé tous les 30 ans de... mais c'est pas forcément de remettre en cause toute la Constitution, mais en tout cas de refaire un processus constituant, ça permettrait non seulement que ce soit à part d'une volonté politique, que ne se soit pas imprégné directement d'une certaine orientation, et troisièmement, que chaque génération soit investie dans la vie politique. Alors que là, encore une fois, par le système représentatif, bon, mis à part mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, l'implication, elle vient soit parce que vraiment il y a un ras-le-bol, soit parce qu'il y a une certaine misère. Enfin, faut pour aller s'impliquer dans la vie politique, soit c'est parce que notre famille est déjà dedans, mais sinon... j'ai envie de dire, en fait, pourquoi ? C'est même presque une folie en France d'aller s'impliquer dans la vie politique. Enfin, faut avoir envie de se faire du mal, presque. Et alors que là, du coup, ce serait juste, ça ferait partie du cursus de chacun, quoi. Comme tu passes ton bac, bah voilà, dans ta vie, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ou en fonction de quand tu nais, dans le cycle des 30 ans, et bah, un moment dans ta vie, tu participes forcément à l'écriture de la nouvelle Constitution. Moi, je partage entièrement cette position. On peut peut-être passer à la question suivante. Alors, la question suivante, alors, je ne sais plus qui l'a posée, mais je la lis. Est-ce que le président, donc on parle du président qui a été élu, est-ce qu'il aura une majorité parlementaire ? C'est toi. Oui, mais c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'il aura une majorité parlementaire ? On pourrait d'ailleurs, dans cette question, dire... est-ce que c'est un enjeu qu'il ait ou qu'il n'ait pas la majorité parlementaire ? Voilà, peut-être. Alors, qui veut intervenir sur cette question ? À part toi, parce que tu l'as posée. Alors, moi, peut-être il y a certains d'entre vous qui savent que j'ai créé un blog sur l'actualité de temps en temps. Et j'avais envie de m'exprimer là-dessus, sur cette question précise, parce que j'ai entendu récemment le nouveau Premier ministre qui a dit « Ouais, faut que La République en marche est la majorité parlementaire pour que Macron puisse appliquer son programme sans qu'il y ait trop de résistance. Je pense que un Premier ministre n'a pas à dire ça parce que bon, c'est quand même la porte ouverte à toutes les dérives. Et voilà, on ne sait pas si Macron, il va être comme les autres. Ça se trouve, il va peut-être faire le contraire de ce qu'il nous a promis dans sa campagne. Donc c'est quand même assez dangereux. Mais finalement, il faut quand même qu'il y ait le maximum de contre-pouvoirs possibles pour justement faire évoluer le programme d'Emmanuel Macron. Parce que même si il a gagné et qu'il a été élu par plusieurs millions de Français, il y a quand même plusieurs autres millions de Français qui étaient contre lui. Et donc, voilà, du coup, c'est pas un seul homme qui peut diriger la France. Faut que cet homme, il accepte aussi que les autres infléchissent ses positions et que voilà, faut qu'il mette de l'eau dans son vin. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas être d'accord avec lui. Alors déjà, tout ce que tu dis, ça relève de la Constitution. C'est-à-dire que c'est un débat qu'il faut avoir dans un débat constituant. Parce que, avec la Constitution qu'on a là, c'est marqué dans la Constitution, le Premier ministre est le chef de la majorité parlementaire. Donc, bien évidemment, il est nommé. S'il n'a pas une majorité parlementaire, il n'est plus ministre en 3 semaines. Donc lui, son seule possibilité, c'est qu'il soit majoritaire. Voilà. Donc là encore, ça renvoie à des débats constitutionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre, il est chargé, c'est sa seule fonction, il est chargé de gagner les élections législatives. S'il ne gagne pas les élections législatives, il est viré le 18 au soir. La Constitution, elle dit cela. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça veut dire, si tu veux, ça donne l'importance. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on dit, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est parce que c'est induit dans la Constitution. Et que le débat sur la Constitution, il nous est interdit. Puisqu'il n'y a que les personnes qui ont 85 ans qui ont participé éventuellement à la Constitution de 58. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, il y a un enjeu malgré tout de ces élections législatives. Parce que s'il a une majorité parlementaire, il est probable, pas sûr, hein, mais il est probable qu'il applique une partie de ce qu'il dit. Et ce qu'il a dit quand même, c'est que toutes les attaques sur le code du travail, sur la protection sociale, etc., il les passerait par ordonnance en juillet-août 2017. C'est un sacré enjeu. Parce que bien, pourquoi il fait ça entre juillet et août? C'est pour qu'il n'y ait pas de résistance, qu'il n'y ait pas de mobilisation, etc., etc. Donc là, il y a quand même un vrai enjeu de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi Macron-El Khomri 1, et qui est passée avec le 49-3, antidémocratique. Et là, il veut faire Macron-El Khomri 2, alors sans Madame El Khomri, mais bon. Mais Macron-El Khomri 2, et il veut le faire passer pendant les grandes vacances. Pendant que la majorité de la population est en vacances. Voilà. Donc il y a quand même un enjeu de ces élections législatives. En fait, avoir la majorité présidentielle, est-ce dans l'intérêt du peuple, en fait ? C'est une question. Tu poses une question qui est en fait la suivante. le président de la République, il est élu. Est-ce que la population, elle est consciente de ce qu'elle a fait? Alors ça, ça implique, est-ce qu'elle est suffisamment instruite et éduquée pour élire des gens qui défendent leurs intérêts? C'est ça la question. Tu vois? Moi, je suis... Quand on regarde, par exemple, les dernières élections, eh bien, on a la majorité des gens qui ont voté François Hollande. Au bout de quelques temps, ils ont été déçus de François Hollande. Voilà. Il aurait été préférable qu'ils comprennent qu'ils vont être déçus et qu'ils ne votent pas François Hollande. Donc c'est un problème, si tu veux, de rationalité du vote des électeurs. Voilà. Est-ce que chaque électeur vote par rapport à l'intérêt général? Ben, c'est pas sûr. Voilà. Alors, je vais quand même... Toi, il faut que tu reprennes la parole parce que c'est toi qui as posé la question. Donc, est-ce que tu es satisfait de ce qui a été dit? Ou si tu n'as pas été satisfait, comment toi, tu réagis? Ben, moi, en fait, c'était une polémique, cette question. Parce qu'effectivement, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est la question... que France Info pose, en tout cas, ou a posé à la radio. Finalement, moi, personnellement, je m'en fiche un peu. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'il faut trouver toujours un enjeu, il faut trouver un truc. C'est comme si on nous vendait, en fait, cette élection. Et finalement, pour moi, c'est du préfabriqué, tout ça. Alors, certes, les gens, bon, bah, ok, les gens vont voter. Est-ce qu'il... Ouais, s'il a la majorité, bah, il va passer ses lois. S'il n'a pas la majorité, je pense que les lois passeront quand même, mais par d'autres. Donc finalement, c'est qu'une question de temps. Pour moi, de toute manière, la majorité présidentielle, c'est... Enfin, pour moi, ça... je veux dire, ça n'a aucun sens. Puisque là, on élu des députés, si je ne me trompe pas. Les députés, c'est censé être des gens qui, entre guillemets, qui nous représentent, nous, peuple, et qui, c'est pas les toutous du président qui est au-dessus, quoi. Donc, pour moi, c'est toujours cette notion de majorité présidentielle. Pour moi, c'est toujours assez compliqué parce que, justement, il faut un contre-pouvoir dans tout ça, même si j'y crois pas forcément, mais il le faut et il est nécessaire. Donc, si c'est pour avoir des gens qui signent. Et qui disent ok et qui disent oui à tout, finalement, ça sert pas à grand chose, quoi. Autant supprimer l'Assemblée et garder le président et il fera ce qu'il voudra. Donc après, pour moi, justement, ouais, effectivement, ça va redéfinir une partie du paysage politique français. Après, est-ce que ça va être pour le mieux ou pour le moins bien, je n'en sais strictement rien. Mais de toute manière, et c'est pas nouveau, je l'ai toujours dit ici, tant qu'on ne changera pas le système, peu importe qui aura à l'Assemblée ou au président, il y aura toujours les mêmes problématiques pour les gens qui souffrent de certaines choses. Donc, voilà. Tiens. Bah tiens, t'as sûrement quelque chose à dire, toi. Hein? Non, mais ça veut dire... Pourquoi il y a majorité présidentielle? Parce que la Constitution, telle qu'elle est effectuée, elle dit la chose suivante. On élit un président de la République avec beaucoup de pouvoir. Ce président nomme un Premier ministre. Et ce Premier ministre, pour faire passer les lois, il faut qu'il soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Voilà. Ça, c'est marqué dans la Constitution. Donc, effectivement, comme on est aujourd'hui dans le cadre de cette Constitution, eh bien, effectivement, le président élu et le Premier ministre nommé, eh bien, il veut avoir une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose... Et donc, si toi, tu souhaites autre chose, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec cette Constitution, bah, il faut lutter contre cette Constitution et essayer de rentrer dans un débat constituant, modifiant, bien sûr, la répartition des différents pouvoirs. Mais... C'est ça, c'est-à-dire que ça renvoie à la question précédente. C'est qu'effectivement, le système républicain, il a comme point de départ la Constitution. Voilà. Et bien évidemment, là où il y a un débat qui est vicié, comme on l'a dit tout à l'heure, suite à la proposition de notre ami ici, eh bien, c'est vicié parce que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas participé au débat sur la Constitution de 1958. Voilà. Et donc, toi, tu proposais tous les 50 ans obligés. Bon, ensuite, Adèle proposait tous les 30 ans. Bon, on peut faire tous les 25 ans, etc. Ça... Mais effectivement, énormément de mécontentement des gens, que ce soit ton mécontentement ou tout le tien, etc., c'est le mécontentement de la Constitution. Voilà. C'est vraiment un vrai sujet. Alors, parce que si on est dans le dispositif républicain, le dispositif républicain, ça démarre par une constitution. Alors ensuite, on peut dire, je ne suis pas d'accord sur le dispositif républicain. Mais dans ce cas-là, il faut proposer un autre système pour administrer les choses. Voilà. Bah oui, tu es venu pour dire. Si, allez, viens. Alors, apparemment, c'est le débat porte sur la Constitution, mais moi, j'aurais envie de dire autre chose, c'est que mon sentiment, mon constat, c'est qu'on a perdu une bataille, et si on veut gagner la guerre, voire des batailles, si on veut gagner la guerre, il faut vraiment qu'on fasse une analyse du système constitutionnel, mais aussi du système capitaliste, et qu'il soit transmissible. Je pense que, justement, l'éducation populaire, c'est de rendre transmissible à tout le monde, à éclairer non seulement le système constitutionnel, mais j'entends aussi éclairer ce qu'est le système capitaliste, qui est un système mortifère, voire criminel. Je peux y faire une tentative en impro comme ça vite fait, parce que j'ai quand même un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le capitalisme, il nous tient par la prise en main de la production et de la monnaie. À partir du moment où tu as le système de production, tu peux donc les besoins. Je voudrais juste rappeler en trois phrases. Actuellement, on est dans un, tout le monde le dit, quels que soient les produits, en particulier, je pense aux produits agricoles, on est en surproduction. Donc on crève de faim pour rien. La surproduction veut dire que le besoin de la population est résolu. Or, qu'est-ce qui se passe? Et je vais illustrer mon propos là-dessus pour expliquer que la prise en main de la production est la prise en main de la population par le besoin. Quand on a supprimé les quotas sur le lait, les quotas ont été faits parce qu'on était en surproduction de lait pour maintenir des prix et du lait de qualité. À partir du moment où on les supprime, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'apparition partout en Europe et particulièrement en Allemagne, mais aussi en France, de fermes-usines qui font du lait de merde avec des vaches qui sont cloîtrées et qui sont bourrées de médicaments parce que les maladies sont très facilement transmissibles quand on fait cohabiter dans une étable sans les sortir des vaches. Donc ça permet de faire du lait bourré d'antibiotiques, etc., de mauvaise qualité, mais surtout ça permet de faire baisser les prix et de tuer les fermiers qui font du lait de qualité mais qui coûte plus cher parce qu'ils les emmènent au pré, ils les font revenir, etc. À partir du moment où ils ont tué la paysannerie indépendante, ils ont un monopole de fait. Et ça peut être aussi un monopole, c'est pas seulement un capitaliste, ça peut être un cartel. Hein. Je pense à l'OPEP, par exemple, qui cherche à faire baisser la production pour faire monter les prix, c'est-à-dire contre le besoin de la population qui a besoin d'énergie. Et c'est ça déjà la clé. Ben, si tu prends la main... Attends, je finis mon raisonnement. Si je reviens au lait parce que c'est plus parlant. Si tu prends la main sur la production de lait grâce aux fermes-usines, tu as tué donc toute concurrence, tu as un cartel de fait en Europe qui a la main sur la production, qui peut du coup réguler sa propre production pour faire monter les prix sans faire monter la qualité. Et donc c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Après je pourrais développer sur la monnaie, mais je vais m'arrêter là. Donc voilà, il ne suffit pas de lutter contre la Constitution, mais également contre le capitalisme. Bon, hein, c'est ça que tu voulais nous dire. Voilà. Je rappelle que la question de départ, c'était, est-ce qu'il y a un enjeu que le président de la République ait une majorité présidentielle. Oui, je remercie le monsieur pour l'intervention qu'il vient de faire parce que ça rejoint en fait aussi la dernière question. Et parce que là, on a pas mal parlé de la Constitution. Et je me disais justement, non, mais la Constitution, d'accord, c'est un des moyens principaux, enfin, un des moyens nécessaires plutôt, qu'il faut faire pour modifier la société. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité de. Alors, la question était posée au pour gouverner. Mais en fait, je pense que je la transformerai plutôt maintenant pour s'organiser ou pour se gouverner soi-même et quelques autres. Et justement, le lien entre le capitalisme aussi, c'est-à-dire que oui, on peut changer la Constitution, mais est-ce que de changer la Constitution, ça va finalement changer tous ces réseaux des monopoles qui gravitent autour, tout ce qui circule au niveau des biens matériels, etc. Donc, l'autre point, et c'est pour ça que c'était posé au niveau du vote, est-ce que finalement tout passe par le législatif, par le gouvernement, par la façon dont il fonctionne, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine façon de s'auto-organiser, de se prendre en charge jusqu'au jour où, peut-être, ce gouvernement n'en aura plus besoin. Pas dans le sens on va lutter contre, parce que très souvent, la lutte actuelle qu'on porte, on s'épuise en fait, on s'épuise à lutter contre un système, contre un gouvernement, contre, alors qu'on pourrait commencer par s'auto-organiser en local. Et avec la loi actuelle, il y a énormément de choses qu'on peut faire qu'on n'imagine même pas. Donc, c'était ça l'autre question aussi quand on avait proposé cette journée-là et dont je t'avais un peu parlé. C'est l'enjeu du vote, des élections, mais c'est-à-dire aussi tout ce qui ne passe pas par le vote. Et donc, ça comprend aussi tout ce qui, finalement, est-ce que les élections, est-ce que tout ça reste quelque chose d'important ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses aussi à côté par lesquelles il faudrait commencer? Enfin, du coup, je rajoute des questions sur les questions. C'est un peu désolant de parler de ça entre nous, mais voilà, il y a un livre, à la base du capitalisme, qui en fait, je pense, est un système assez universel dans ses principes de base. Il se trouve que, par exemple, je vais parler de un des premiers économistes de l'histoire qui s'appelait Adam Smith et qui prend un exemple dans son livre d'une manufacture de clous. Il se trouve que il y a que certaines personnes qui ont le savoir-faire pour faire les clous. Les autres ne savent pas faire des clous. Et donc, pour un président ou un maire ou des gens comme ça qu'on élit, des fois, il y a que ceux qui ont eu l'expérience dans leur vie de gouverner, de prendre des décisions pertinentes, qui savent, qui sont à même de gouverner. Je veux dire, des fois, il y a des questions où si on laissait le peuple décider de ce qu'il faut faire, on pourrait arriver à des abominations. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était la loi pour le voile intégral, le voile islamique intégral. Voilà, peut-être si on avait laissé les gens décider d'eux-mêmes, vu ce qui se passe dans la société, peut-être on en serait arrivé à une loi qui dirait si vous voyez une femme en niqab dans la rue, déshabillez-la. Je pense que des fois, le peuple a tout intérêt à s'en remettre à des décisions de sagesse qui sont prises par des gens d'expérience. Pas toujours. Hein. Je veux pas monopoliser la parole, mais c'est que par rapport à ce qui vient d'être dit, alors il y a quand même plusieurs choses. Déjà, c'est ce qu'on a débattu tout à l'heure sur la question des référendums. Là, très clairement, quand tu dis les gens prendraient des mauvaises décisions, enfin, faut bien se rendre compte que déjà, énormément de décisions sont orientées par les médias. Donc, typiquement, le cas du voile, c'est un très bon exemple. Alors, les médias, on en a eu des couches et des recouches sur de quelle façon est-ce qu'il faudrait penser. Donc, il y a déjà cette orientation-là. La seconde, c'est comme la population n'a jamais finalement pris des décisions qui ont été appliquées, comment peut-elle se dire « demain, je prends une décision de laquelle je serai responsable et j'en verrai les effets et je re-réfléchirai si ça se passe mal ?» Puisque ça n'a jamais existé. Donc, en effet, il y a plein de décisions qu'elle risque de prendre, la population, qui vont être, qui vont pas être les bonnes, j'ai envie de dire. Mais à condition que ce soit appliqué et derrière qu'il y ait cette responsabilité qui vienne, eh ben, ça va pas durer très longtemps que ce soit que des mauvaises décisions. Par contre, le fait de laisser toujours à d'autres fait que cette responsabilité n'arrivera jamais. Et cette question de certains sont plus sages que d'autres, comme tu l'as dit toi-même, ils ont l'expérience des prises de décision. Eh ben, justement, que tout le monde ait l'expérience des prises de décision pour que tout le monde devienne plus sage. Enfin, voilà, pour moi, c'est inverser l'idée que de dire, il y en a qui sont plus sages parce qu'ils ont l'expérience, eh ben, donnons l'expérience à tout le monde d'être plus sage. Mais ça, c'est pas possible avec le système représentatif. Non, mais je pense que ce qui a été dit, on a dit faut combattre la Constitution, le problème du capitalisme. Et là, il y a eu comme un point supplémentaire, c'est que c'est la formation. C'est-à-dire qu'il faut se former pour pouvoir exécuter un certain nombre de décisions. On ne peut pas faire quelque chose si on ne se forme pas. Voilà, le peuple doit se former d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis une école qui est aujourd'hui dévoyée, mais c'était pour ça. Il y a besoin de se former. Et voilà, les militants, les citoyens éclairés, ben, ils ont besoin de mieux comprendre, de mieux se former, de participer plus à des initiatives d'éducation populaire. Voilà. Alors la question suivante était, peut-on se passer du vote? Et donc, Adèle avait dit, est-ce qu'il n'y a que le vote dans la vie, quoi? Enfin, je résume un peu peut-être. Hein. Bon, est-ce qu'il n'y a pas l'auto-organisation des gens? Bah oui, mais là encore, j'en reviens encore au débat constitutionnel, au risque d'exaspérer une partie d'entre vous, mais parce que la Constitution, elle peut très bien dire la chose suivante. Tel domaine est soumis au vote et tel autre domaine est soumis à l'auto-organisation des citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que la partie qui doit être soumise au vote, eh bien, ça n'empêche que d'autres parties peuvent être laissées à la liberté des gens et à l'auto-organisation. Moi, d'ailleurs, il y a des citoyens qui s'auto-organisent, ne serait-ce que Debout Éducation Populaire, par exemple. Mais il pourrait y avoir bien d'autres initiatives. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir et qui ne sont pas encore intervenus? Pourquoi pas? Non? Madame? Non, bon. Bon. Je pense que pour la Constitution, c'est comme pour le système capitaliste, il y a des principes sous-jacents. Pour une constitution, c'est pouvoir et contre-pouvoir, équilibre des forces. C'est la base de l'avancée de l'histoire. Donc pour qu'il y ait un bon équilibre des forces, il faut effectivement que le système soit plus souple. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que pour qu'il y ait contre-pouvoir, un contre-pouvoir, ben c'est la population, c'est le premier. Hein. Si on fait des manifestations, c'est parce qu'on est contre le pouvoir, qui a pris une décision qui nous paraît injuste. Donc effectivement... la clé, c'est le savoir. Alors, comme il a dit, il y a une expertise. Il y a des gens qui ont passé leur vie à étudier l'économie. Moi, de mon point de vue, l'économie qu'on apprend à l'université, quand on voit le prix Nobel de Toulouse, comment il s'appelle, tu sais ça par cœur, toi. Qui sont des gens qui sont des comptables. Or, quand on étudie même superficiellement l'économie, on voit bien que la monnaie est une valeur subjective, comme le produit est une valeur subjective. Une paire de Nike à 150 euros, elle n'est pas plus solide qu'une paire à 40 euros chez Decathlon. Hein. Mais on va la prendre parce que subjectivement, on se sent mieux, etc. Enfin, une meilleure image de soi qui est bien évidemment exacerbée par la publicité. Donc on est bien dans du subjectif, on n'est pas par rapport à ce qu'on pourrait croire un prix de fabrication. Non seulement il y a la marge qui est faite par l'image de soi qu'on fait par la publicité. Donc on voit bien la subjectivité des choses, et je pense que, j'en finis avec ça, c'est que le premier contre-pouvoir, c'est la population. Pour ça, il faut qu'elle soit formée. L'éducation nationale, comme je voudrais le dire à travers l'exemple de l'université sur les cours d'économie, moi je suis aussi à attaque. Et quand tu discutes avec des bacs plus 15, moi j'ai un CAP, hein, mais bon, quand tu discutes avec des bacs plus 15 d'attaque, ils te disent oui, l'éducation qu'on a reçue nous, quand on a fait l'université sur l'économie, elle ne nous convient pas parce qu'elle est, ils le disent eux-mêmes, les économistes atterrés, voilà. Et s'ils sont atterrés, c'est parce que justement, ils remettent en question l'éducation qu'ils ont reçue à l'université. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour l'instant, on a un système qui est oppressif, puisque les trois quarts des décisions sont contestées par la majorité de la population. Donc il y a bien un problème. Et ce problème, il passe effectivement par des solutions immédiates, parce que si on ne veut pas perdre toutes les batailles, il y a des moments où il faut réagir. Et je pense qu'effectivement, il faut utiliser toutes les manettes. Je pense qu'il ne faut pas exclure le vote. Mais le vote, je dirais que, bon, il faut le faire parce qu'on ne sait jamais, il vaut mieux un contre-pouvoir. Là, on est en veille d'élection, il vaut mieux que la gauche un peu plus radicale soit la présente. Mais bon, on va le faire. Enfin, moi, en tout cas, je vais le faire. Mais je pense effectivement qu'il y a des marges de manœuvre au niveau local. On voit dans certaines communes dans le sud de la France qui font des monnaies locales, ils cherchent à faire de l'énergie locale à travers les éoliennes, etc. Et on peut, comment dirais-je, aucune des manettes n'est suffisante. Mais il nous faut utiliser simultanément toutes les manettes. Et on verra bien ce qui avance. Eux, quand ils font des attaques sur le code du travail, ils attaquent sur 5 ou 6 fronts. Ce qui fait qu'on est toujours pris une bataille de retard. On gagne sur une et ils gagnent sur 4, et ils reculent sur une, et ainsi de suite. Et au final, par des effets cliquets, on se retrouve dans un droit du travail qui n'a plus d'existence, il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus de loi. À partir du moment où, concrètement, un dirigeant d'entreprise peut faire la règle qu'il veut dans son entreprise, puisque c'est ce qui est déjà en cours et qui va être aggravé, ça veut dire qu'il n'y a plus de garde-fou. Or, il faut bien un moment qu'on se mette d'accord sur des garde-fous. Une constitution, elle est faite justement grâce aux contre-pouvoirs, quand ils sont efficaces, d'éviter la prise de pouvoir des fous, et des fous au sens premier du terme. Et donc, il nous faut agir à tous les niveaux. Je pense que le premier, c'est l'éducation, c'est comprendre les principes sous-jacents d'une constitution et de l'économie, ce qui n'est absolu, etc., et qui lui explique le principe de s'auto-former. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a le fameux tableau Védéleda avec toutes les trucs à la con. J'ai plus besoin du parapluie. Merci. C'est un peu en live en direct ce soir, c'est éducation populaire débrouille. Et donc, en fait, à la fin, c'est assez rigolo parce que les mecs qui sont super tendus en phase 2, donc leur autorisent à faire cette fac, on va dire, avec un nouveau truc pédagogique. Et le mec lui dit, voilà, quand j'étais jeune, je voulais faire du trombone, etc., etc. Donc ça, c'est complètement utopique, c'est rigolo, et c'est un peu un des trucs qui nous a fait faire cet atelier, en fait, à la base. Et je pense que ça peut être une bonne idée. Alors déjà, pour moi, au départ, il faut les fondamentaux. C'est-à-dire, il faut apprendre, on va dire, à écrire, à parler et s'exprimer en français. C'est la base, mais après, moi je suis rentré sur le monde du travail. Franchement, ce qu'on m'a appris à l'école, si j'en utilise 10% de ce qu'on dans mon travail actuel, c'est déjà énorme. Donc, pour moi, la base, ça serait ça, et après, ça serait vraiment de dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et surtout, si tu essayes, alors je sais pas vous, je sais que souvent, quand les parents qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans des activités sportives, musicales, etc., La plupart du temps, on dit bah tu vas aller au foot ou tu vas aller à la musique parce que alors ça le mercredi comme ça pendant une heure papa et maman ils sont tranquilles, ils peuvent faire autre chose et ils vous foutent dans des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est important en fait de faire tester les choses aux gens parce que c'est pas parce que tu vas mettre ton gamin au foot qu'il va forcément aimer le foot ni la musique etc etc et c'est vrai que c'est important bah, de laisser le choix et surtout bah, si on n'aime pas de le demander de le dire et d'arrêter au lieu d'être en échec dans quelque chose voilà. Ah, j'attendais que ta main se lève depuis tout à l'heure, merci. C'est juste pour rebondir sur ce que tu as dit là. Dans mon travail, il n'y a que 10% de ce que j'ai fait à l'école qui me sert. Justement, il y a cette problématique. Est-ce que l'école, ça doit servir au travail? Je ne suis pas sûr. Hein. L'école, ça ne doit pas servir que au travail. Hein. Donc, tes 10%, voilà quoi. C'était pour te critiquer quoi. Non mais ouais, je pense que ce serait intéressant de faire l'école qui forme à la vie en fait, tout simplement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais c'est un peu ça. Au début, les enfants soient à l'école pour être formés à ce que c'est la vie et comment l'être humain fonctionne. Alors moi, ce que je penserais, enfin, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi essayer de faire en sorte que les gens finissent par penser par eux-mêmes aussi. À mon avis, je crois que c'est la meilleure des écoles qu'on pourrait faire, penser par eux-mêmes. Après, il ne faut pas qu'ils le fassent tout le temps, mais oui, en fait, pousser les enfants à penser par eux-mêmes, bah, les enfants de 4 ans, si on les laisse tout le temps penser par eux-mêmes, au bout d'un moment, ça va peut-être partir vraiment en vrille. Mais tout le temps. Oui, justement, vous posez la question de l'école, de l'éducation, etc. Mais ouais, il y a un truc qui est super important, mais c'est le but. Dans quel but on va à l'école? Pourquoi faire? Voilà, je pense que c'est les questions premières qu'on aurait dû se poser. C'est marrant parce qu'on arrive à un bon... On a fait du chemin sur l'éducation, etc., l'école et tout ça. Et on ne s'est même pas posé la question du but de l'école. Et bon, voilà, apprendre par soi-même, moi je dirais, parce qu'il disait penser par soi-même, je rajouterais apprendre par soi-même, apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, ça ce serait pas mal, quoi, que les gens, quand on sort de l'école, on soit capable d'apprendre, à apprendre. Enfin, qu'on soit capable d'apprendre par soi-même, voilà. Comment on fait pour apprendre par soi-même? Bah, c'est ça, en fait, déjà, normalement, même quand on est à la fac, hein, à la fac, c'est ça, hein. La fac, c'est le piège même, je dirais, la fac. Par exemple, quand on arrive à l'université, je ne sais pas pour ceux qui ont été à l'université, mais l'université, c'est le piège, justement, c'est parce que on nous délivre plus un savoir. Il faut justement que l'universitaire, il doit apprendre par soi-même. Hein, et c'est ça, il est un peu livré à soi-même. Il y en a, ils sont perdus à l'université. C'est pour ça qu'il y en a qui vont pas loin à l'université, parce qu'ils sont perdus. Ils ont été habitués pendant tout un cheminement jusqu'en terminale à ce qu'on leur délivre un savoir, et voilà. Et tout d'un coup, ils se retrouvent à l'université où il faut qu'ils fassent des recherches par eux-mêmes, qu'ils apprennent à apprendre, quoi. Qu'ils apprennent à apprendre par eux-mêmes. Et c'est je pense, apprendre à penser par soi-même. Déjà, ouais, ça c'est super important, hein, c'est la philosophie, elle doit apprendre ça. Mais aussi, apprendre par soi-même, ça c'est super important. Être capable d'aller chercher les informations soi-même, etc. Et voilà, ça, voilà. C'était le but de l'éducation, je pense qu'il est là. Enfin bon, c'est une idée, quoi. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais voilà. En tout cas, la question du but de l'école et de l'éducation, elle est importante, quoi. C'est une question qu'on doit se poser dès le départ, quoi. Aller à l'école ou apprendre, pourquoi? Excuse-moi. Merci. Et c'est la curiosité des enfants, les pousser à être curieux et à aller vers les choses, à essayer des choses, parce que c'est par soi-même qu'on apprend. Enfin, qu'on apprend le mieux, en tout cas. Il y a déjà des tours de parole, donc alors je vous dis, il y a deux tours de parole pour le moment. Il y a la dame ici. Donc, pour le coup, j'avais pas. Ça fait longtemps que tu veux parler. Bon bah écoute, on va faire 1, 2, 3, 4. Du coup, tu voulais. Moi, je voudrais vous poser une question à 0 €. Est-ce que l'école est obligatoire en France? Non, c'est l'instruction. Eh bien non. l'école n'est pas du tout obligatoire en France. C'est l'instruction qui est obligatoire. Donc l'école, c'est, quand on dit l'école, on se trompe déjà. Parce que l'instruction des parents lettrés peuvent très bien instruire leurs enfants, les préparer à les plus grands concours, etc. Donc, et je voulais aussi dire qu'il y a dans les années 70 des écoles parallèles qui se sont constituées dans Paris, entre autres l'école de la rue Vitruve. Il y avait Piaget, il y avait Montessori, il y avait Freinet.